sont partout, les clichés sont partout, la discrimination est partout. Si t'es comme moi, tu ressens ce que je ressens. Alors écoute ce son, écoute ce putain de son, ouais, écoute ça. C'est pour ça le mec élevé, du j'attrape. La rage de mes tirs, tirs, tirs quand je rappe. Le système qui nous bine, de la pointe de l'épine, ça va sur ma rétine, donc le milieu frappe. Aucune issue, pas de trappe. Les clichés nous tirent à vue comme au bal trap. Nous voit sous le dessin d'une matraque. Toujours la merde dans ma vie, là, là, je craque. Que ce soit sur le microphone que je me focalise. Fidèle au passe, passe pas pour le business, flou de ma de l'âme qu'on se le dise. Oh, pas trop, on parle de Sarko, il minimise ta vie quand tu fais des patrons. C'est toujours la même pour beaucoup de patrons. Les noms étrangers n'attirent que les patrons. Je craque parce que c'est toujours la même histoire. Quand on a mal, il faut se taire. Résident de cette vie austère, là. Faut que j'ai des villes tirées comme des barres. Les filles tout petits me font perdre la boule. Tu le sens dans la foule, même si tu files ton ordre, reproche ta couleur, ton style. Les fils à papa, à 18 ans, ils conduisent leur bagnole, non? Et les pauvres, eux, ils vont bosser, mec. Elle est là, la grosse arnaque. Tu veux faire quoi? Je vais essayer de trouver un chouette travail et être enfin responsable. Faut que je trace ma route, trace ma route. Ils lui ont tendu un bref piège et ils lui ont tiré dans le dos.